إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite. À partir d'aujourd'hui, nous allons étudier un épître de l'éminent savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé « Les causes permettant de patienter face au mal des gens ». Le musulman doit accorder une attention particulière à ce sujet, car il est inévitablement amené à interagir avec autrui dans son quotidien. Ainsi, il a besoin de connaissances pour savoir comment se comporter avec les autres. S'il ignore ses comportements appropriés, il risque de corrompre non seulement sa propre religion et sa vie mondaine, mais aussi la religion et la vie mondaine des autres. De ce fait, le musulman a besoin de règles générales et particulières pour pouvoir se comporter de la meilleure des manières avec chacun. Et dans cette épître, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, énonce des règles concernant le mal que les gens peuvent infliger aux serviteurs, car il sera inévitablement confronté à ce mal. En effet, le diable en tire un grand plaisir et s'efforce de semer la discorde entre les croyants. Allah dit à ce sujet dans Sourate Al-Isra: « Dis à mes serviteurs d'user des meilleurs propos, car le diable cherche à semer la discorde entre eux. Le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. » Le mal des gens ne provient pas seulement de nos ennemis ou de ceux qui sont éloignés de nous. Par exemple, un enfant peut faire du tort à ses parents, une épouse à son mari et autres. Le mal peut être plus ou moins grave, et la personne qui te fait du tort peut être proche de toi, comme un parent, ou éloigné. Cependant, la règle générale est que celui qui te fait du tort fait partie des troupes du diable, et tu ne pourras t'en détacher qu'en te détachant du diable. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agré, l'homme fort n'est pas celui qui est fort en lutte, mais c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et la colère est un feu qui provient du diable et qu'il jette dans le cœur du serviteur. Ainsi, si le diable te suggère de faire du tort à ton frère, combat-le, débat avec lui et dis-toi, que vais-je gagner en faisant du tort à ce musulman? Il n'y a pas de mal sans que le diable en soit la cause. C'est lui qui a poussé Adam et Hawa à manger de l'arbre qu'Allah Azzawajal leur avait interdit. Allah Azzawajal dit dans Surah Taha, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Puis le diable lui insuffla. Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité et un royaume impérissable? Alors ils en mangèrent tous deux et leur nudité leur apparurent, ils se mirent à se couvrir des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Et le diable fut également la cause de l'apparition du polythéisme. Allah Azzawajal dit dans Surat Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq, ni Nasr. L'imam al-Bukhari muslim rapporte, d'après Abdullah ibn Mas'ud Kalalagri qui a dit, ces cinq noms étaient des hommes vertueux du peuple de Nuh. Quand ils sont morts, le diable a inspiré à leur peuple de faire des statues à leur effigie et de les placer dans leur lieu de rencontre, comme rappel d'eux. Et c'est ce qu'ils firent. Cependant, aucun parmi eux n'adora ces statues jusqu'à ce que cette génération disparaisse et que la suivante commence à les adorer. Ainsi, le diable est un ennemi déclaré de l'homme. Il faut donc s'en écarter et se méfier de ses ruses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans ce qu'il aime et agrée. Donc nous allons sans plus attendre entrer dans le vif du sujet. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit au début de cet épître, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, différentes choses et dont le serviteur a patienté. La première, qu'il sache qu'Allah le Très-Haut est le créateur des actions des serviteurs, de leurs mouvements, de leur repos et de leur volonté. Ce qu'il a voulu s'est produit et ce qu'il n'a pas voulu ne s'est pas produit. Rien ne bouge dans le monde céleste et terrestre sans sa volonté et sa permission. Les serviteurs sont donc des instruments. Regarde vers celui qui te les a envoyés et ne regarde pas leurs actions envers toi, tu seras apaisé du souci et du chagrin. Avant de commencer, il est important de savoir qu'Allah Azzawajal a mentionné la patience à 90 reprises dans le Coran. Comme l'a mentionné l'éminent savant Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dans son livre intitulé Madarij as-Salikin. Allah nous a ordonné la patience et nous a interdit son contraire. Il nous a clarifié ses mérites ainsi que ses fruits. Tel que dans sa parole, Azza wa Jal, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Patiente donc, comme ont enduré les messagers doués de résolution. Allah a également mentionné la patience de ceux qui possèdent une bonne religiosité face au mal des gens. Ce sont eux qui sont le plus en droit de patienter face au mal des gens. Allah dit à ce sujet, ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Vous entendrez sûrement des offenses de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et des polythéistes. Et si vous êtes endurants et pieux, cela fait partie des préceptes divins demandant une forte détermination. Il est bien connu que l'animosité des gens envers ceux qui sont dotés d'une bonne religiosité est due au fait que le diable les a poussés vers cela. Et certains savants ont dit que le diable est plus proche de ceux qui sont sur la droiture pour les corrompre dans leur religion et leur vie mondaine. La patience face au mal des gens demande une forte détermination. C'est ce que Luqman a dit à son fils lors de la recommandation qu'il lui a adressée. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet: Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ô mon enfant, observe la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure ce qui t'atteindra. Cela fait partie des préceptes divins demandant une forte détermination. Ainsi, celui qui patiente face au mal des gens fait preuve d'une forte détermination. Et la patience se divise en trois catégories. La patience dans l'obéissance à Allah, la patience face au péché et la patience face au décret d'Allah Azza wa Jal. Et l'auteur nous dit que la patience face au mal des gens fait partie de la patience sur les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, la première, qu'il sache qu'Allah le Très-Haut est le créateur des actions des serviteurs, de leurs mouvements, de leur repos et de leur volonté. Ce qu'il a voulu s'est produit, et ce qu'il n'a pas voulu ne s'est pas produit. Rien ne bouge dans le monde céleste et terrestre sans sa volonté et sa permission. Les serviteurs sont donc des instruments. Regarde vers celui qui te les a envoyés et ne regarde pas leurs actions vers toi. Tu seras apaisé du souci et du chagrin. Ici, je vous invite à méditer sur les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que nous venons de lire. Car autrement, elles risquent d'être mal comprises. Certains pourraient penser que ce qui apparaît dans ces paroles, c'est que le serviteur ne doit pas prendre de mesures pour se détourner de ce qu'il atteint. Mais ce n'est pas ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah veut dire ici. Au contraire, il faut que le serviteur prenne les mesures nécessaires pour se détourner de ce qu'il atteint. Car cela est demandé religieusement. Cela inclut le fait de ne pas laisser les faibles d'esprit lui faire du tort. Ainsi, il ne doit pas fréquenter les endroits où les gens peuvent lui faire du mal. Malheureusement, certains n'ont pas une bonne compréhension de ce sujet. Prenons par exemple certains musulmans qui résident en terre de mécréance. Certains persistent à vivre dans ces terres, malgré les nombreuses humiliations et leur incapacité à pratiquer leur religion correctement, sans pour autant prendre les mesures nécessaires pour se sortir de cette situation. Dans ce cas, il leur incombe de prendre les mesures nécessaires pour quitter cette situation. Certains diront qu'ils patientent. Mais la patience implique-t-elle de ne pas prendre les mesures pour se sortir d'une épreuve? Non, le musulman doit quitter les terres de mécréance et aller vivre en terre d'islam. Car cela est non seulement obligatoire, mais aussi bénéfique pour se préserver des mécréants et de leurs stratagèmes. Revenons maintenant à la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah pour la comprendre et clarifier qu'elle ne contredit pas les paroles des imams de la Sunna concernant le destin. Il dit, rahimahullah, la première, qu'ils sachent qu'Allah le Très-Haut, le créateur des actions, des serviteurs, de leur mouvement, de leur repos et de leur volonté. Ce qu'il a voulu s'est produit, et ce qu'il n'a pas voulu ne s'est pas produit. Rien ne bouge dans le monde céleste et terrestre sans sa volonté et sa permission. Les serviteurs sont donc des instruments. Regarde vers celui qui te les a envoyés et ne regarde pas leurs actions envers toi. Tu seras apaisé du souci et du chagrin. Il est donc important de comprendre que la patience face au mal des gens fait partie de la patience sur les décrets d'Allah Azza wa Jal. Le serviteur doit être convaincu que cela fait partie des épreuves pour lesquelles il sera récompensé. Ainsi, le serviteur doit être apaisé et ne pas être chagriné. Surtout lorsqu'il sait que cette épreuve peut être un signe qu'Allah Azza wa Jal lui veut du bien. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les savants ont dit que ce hadith a une portée générale. Ainsi, Allah peut éprouver son serviteur par le biais d'un autre serviteur. Et ce serviteur en question peut être un proche, tel qu'un enfant, un parent, une épouse ou autre. Dans ce cas, le serviteur doit patienter et avoir conscience que ce mal finira par cesser. Souvent, le serviteur amplifie le mal qui provient des gens et se concentre sur celui-ci, ce qui le pousse à se plaindre et à manquer de patience. Ce que l'auteur mentionne ici est un remède face à ce genre de situation. Si le serviteur applique ce principe, il placera sa confiance en Allah, cessera de se plaindre aux créatures et ne leur reprochera plus leurs actions. L'éminent savant Ahmed el-Maqrizi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre intitulé « La pureté du tawhid bénéfique » concernant l'unicité de la seigneurie. Il dit, rahimahullah, c'est de voir que toute chose vient d'Allah, de sorte que l'on ne se tourne plus vers les causes ni les moyens. Il s'agit de voir que le bien et le mal proviennent que de lui. Et quand la personne aura concrétisé cela, elle placera sa confiance en Allah, cessera de se plaindre aux créatures ou de leur faire des reproches, agréera son Seigneur et se soumettra à ses ordres. Fin de citation de la parole de l'éminent savant Ahmed el-Maqrizi, tiré du livre « La pureté du tawhid bénéfique ». Ainsi, la croyance authentique, al-aqidatu sahiha, et sa mise en pratique sont l'une des plus grandes causes de patience face aux épreuves qui nous touchent, et parmi ces épreuves, le mal que les gens peuvent nous faire. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la deuxième, qu'il reconnaisse ses péchés et qu'Allah ne lui a envoyé ses épreuves qu'à cause de ses péchés. Comme Allah dit dans sa parole, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont commis, et il pardonne beaucoup. Lorsque l'on fait le lien avec ce que l'auteur, rahmahullah, vient de dire, et la foi au destin, on constate que le malheur est en faveur du croyant et non en sa défaveur. Le malheur peut expier certains péchés que le serviteur a commis. Et ainsi, il aura été touché par un bien. Car s'il rencontre Allah avec ce péché, il s'expose à un châtiment. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui touche le musulman, que ce soit une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, une gêne, une angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation de la part d'Allah de ses péchés. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et l'épreuve est proportionnelle à la religiosité du serviteur. Comme nous l'avons vu plus tôt, les gens dotés d'une bonne religiosité sont ceux qui sont le plus touchés par le mal des gens. Le serviteur tombera forcément dans le péché. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik, Allah l'agré, si vous ne commettiez pas de péché, j'aurais craint pour vous ce qui est plus grave que les péchés, la fatuité. Et le hadith est rapporté par Al-Bazzar et a été authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: par Allah, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commettrait des péchés et demanderait le pardon d'Allah et il le leur accorderait. Le hadith est rapporté par Muslim. Et l'auteur mentionne, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre intitulé « La différence entre les alliés du miséricordieux et les alliés du diable » que ce n'est pas une condition pour être un allié d'Allah ou un pieux, d'être infaillible de tout péché. Dans certains cas, le serviteur ne sera pas facilité dans son repentir. Ou alors, il se repentira sans être véridique. Et ce péché ne sera expié qu'à travers une épreuve. Parmi les épreuves, on trouve le mal que les gens peuvent lui faire. Et lorsqu'il patiente, il sera récompensé. Il faut toujours garder à l'esprit que les malheurs du croyant sont en sa faveur et non en sa défaveur, à condition qu'il croie et fasse preuve de patience. D'après Suhaib al-Rumi, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comme la situation du croyant est étonnante. Certes, sa situation est toujours en sa faveur. S'il lui arrive une facilité, il remercie. Et cela est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il patiente. Et cela est un bien pour lui. Et le hadith est rapporté par Muslim. Allah Azza wa Jal sait ce qui est profitable pour ses créatures. Il sait que dans certains cas, le serviteur ne sera pas purifié de ses péchés ou ne se réformera pas sans être touché par un malheur. Parfois, le serviteur est insouciant et multiplie les désobéissances, se rendant coupable de manquements notoires dans sa religion. Dans le même temps, il est possible qu'Allah Azza wa Jal lui accorde ce qu'il aime dans ce bas monde, malgré ses péchés. Mais c'est alors qu'Allah Azza wa Jal l'éprouve, pour qu'il revienne à lui, se repente et l'implore. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-An'am: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi. Nous les avons frappés par la misère et la maladie afin qu'elles nous implorent. L'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah, explique dans le tafsir de ce verset un point très important. Il dit, rahmahullah, que parmi les enseignements bénéfiques de ce verset, on trouve le fait qu'Allah éprouve par la misère et la maladie et autres pour une sagesse, et non pas uniquement pour que le serviteur soit touché par un mal. Et on trouve cette sagesse dans sa parole, Azza wa Jal, La'allahum yatadarra'un, afin qu'elle nous implore. Il nous dit, rahmahullah, qu'il n'est pas possible qu'Allah veuille uniquement que le serviteur soit touché par un mal, mais plutôt que tout mal qui atteint le serviteur est dans son intérêt. C'est pourquoi le serviteur doit regarder ses péchés et non le mal que les gens lui font. C'est pour cela que l'auteur nous dit, rahmahullah, donc si le serviteur reconnaît que tout ce qui le touche comme chose détestable et à cause de ses péchés, il s'occupe à demander pardon pour les péchés qui ont été la cause pour laquelle ces épreuves lui ont été envoyées, et ne s'occupe pas à blâmer les autres, ni à leur faire des reproches, ni à médire sur eux. Il doit avoir conscience que cela est dû à ses péchés. C'est pour cela que les gens lui ont fait du mal. Ainsi, il s'empresse de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal, car il ne sait pas par quel moyen ses péchés seront expiés. Ensuite, il dit, rahmahullah, et si tu vois un serviteur médire des gens qui lui ont fait du mal, et qu'il ne se fait pas des reproches à lui-même, et ne demande pas pardon à Allah, sache que sa calamité est une vraie calamité. Tandis que s'il se repent et demande pardon à Allah en disant « Cela est en raison de mes péchés », cela devient pour lui un bienfait. En effet, cette épreuve sera en sa faveur et non en sa défaveur. Le croyant a conscience qu'il n'est pas infaillible. De ce fait, lorsqu'il tombe dans le péché, il s'empresse d'implorer le pardon de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et l'adversité, qui contiennent leur rage et pardonnent à autrui. Car Allah aime les bienfaisants, ceux qui, après avoir commis une turpitude ou s'être fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et ne persiste pas dans ce qu'ils ont commis alors qu'ils savent. Il dit également Azza wa Jal, Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifum min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Ceux qui craignent Allah, lorsqu'une suggestion du diable les effleure, se rappellent. Et alors ils deviennent clairvoyants. Quant à leurs frères parmi les hommes, les démons les entraînent dans l'égarement et ils ne cessent pas. Ce verset indique la guerre continue entre l'homme et le diable. Le diable a des soldats parmi les hommes et les djinns. C'est pourquoi Allah a conclu le Coran, selon l'ordre des sourates du Mushaf, par la mention de ces deux catégories, pour montrer l'immensité de cette guerre. Lorsqu'il dit Allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas, qui souffle le mal dans les cœurs des hommes, qu'ils soient parmi les djinns ou parmi les hommes. Ensuite, il dit, Rahmahullah, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit une parole précieuse, que le serviteur n'espère qu'en son Seigneur et ne craigne que son péché. Lorsque le serviteur n'espère qu'en son Seigneur, Allah met à sa disposition des moyens pour répondre à ses besoins. Cela lui est profitable dans sa religion et dans sa vie mondaine. Prenons un exemple. Lorsque le prophète Moussa alayhi salam quitta l'Égypte et se mit en route pour Médian, il invoqua son Seigneur par l'invocation suivante: Rabbi hidini sawa as-sabil. Seigneur, guide-moi sur le droit chemin. Bien qu'il n'ait pas l'intention d'aller à Médian, il y arriva malgré tout. Allah lui facilita le chemin et mit sur sa route des moyens, bien qu'il n'ait rien demandé à personne. Il espérait uniquement en son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Qasas: Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alayhi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Lorsqu'il arriva au point d'eau de Médian, il y trouva un groupe d'hommes abreuvant leurs bêtes, tandis que deux femmes, se tenant à l'écart, retenaient leurs bêtes. Il leur demanda: Que faites-vous? Elles répondirent: Nous n'abreuvons nos bêtes que lorsque les bergers s'en vont. Notre père est très âgé. Allah dit ensuite: Fasaqa lahuma. Il les abreuva pour elles. C'est-à-dire sans rien attendre en retour. Il les abreuva pour elles et s'en alla. Il les abreuva pour elles et s'en alla. Allah dit ensuite: Thumma tawalla ila dhil. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Puis il se retira à l'ombre et dit: Seigneur, j'ai grand besoin de tout bien que tu feras descendre sur moi. Il espérait le bien d'Allah Azzawajal. Et son cœur n'était pas orienté vers une quelconque rétribution venant des deux femmes. Ensuite Allah dit: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. L'une des deux femmes vint alors à lui en marchant avec pudeur et lui dit: Mon père t'invite pour te rétribuer d'avoir abreuvé nos bêtes. Le temps entre l'invocation de Moussa alayhi salam et la venue de la femme pour lui annoncer que son père l'invite pour le rétribuer fut court. Car le verset contient la particule « fa » qui indique la rapidité entre les deux événements. Ensuite, le père lui donna sa fille en mariage. Allah dit: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. Il dit: J'aimerais te donner en mariage l'une de mes filles que voici, à condition que tu restes 8 ans à mon service, et si tu achèves 10 ans, ce sera de ton bon gré. Imam al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Abbas qu'Allah l'agrée, qui a dit: Il respecta la plus longue et la meilleure des durées, car lorsqu'un messager dit une chose, il l'accomplit. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur un point important. Lorsque le serviteur est touché par une épreuve, il a tendance à l'amplifier. Et lorsque l'épreuve dure, il pense qu'elle sera interminable. Pourtant, en vérité, l'épreuve finit par cesser un jour ou l'autre. Regardez dans quel état Moussa, alayhi salam, quitta l'Égypte. Allah dit à ce sujet, « فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبَ » Il quitta la ville apeuré et aux aguets. Et après cela, il quitta l'Égypte pour Médienne. Et Allah lui facilita le chemin et lui donna la victoire sur Pharaon par la suite. Cela nous montre que le croyant ne doit jamais désespérer, malgré l'immensité de l'épreuve. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il a été rapporté de lui et d'autres, une calamité n'arrive qu'à cause d'un péché et ne se dissipe que par le repentir. Et parmi les calamités, il y a le mal que les gens peuvent te faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans certains hadiths que les relations entre deux amis peuvent se dégrader à cause des péchés de l'un d'entre eux. L'imam al-Bukhari rapporte dans son livre « Al-Adab al-Mufrad » d'après Anas ibn Malik al-Alagré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux personnes s'aiment pour Allah, puis se séparent à cause d'un péché que l'un d'entre eux a commis. » Alors que dire si le péché vient des deux personnes? Il faut savoir que les erreurs que les gens commettent à ton égard sont une calamité. Et tu dois faire preuve de patience. Allah nous éprouve les uns par les autres. Le pauvre est éprouvé par le riche. Le père est éprouvé par ses enfants et son épouse et autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً » Nous vous éprouvons les uns par les autres. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? Il dit dans la suite du verset, « Atasbirun, atasbirun, wa kana rabbuka basira » afin de voir si vous patienterez. Ton Seigneur connaît parfaitement toutes choses.